soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que se passe-t-il? C'est Jésus, celui qui fait des miracles et qui parle si bien d'amour et de justice. Ce n'est qu'un Galiléen. Pourquoi l'acclamer comme un dieu? Regarde-le, ton héros. Il entre dans Jérusalem sur le dos d'un âne. Tout le monde parle de lui, mais beaucoup ne savent pas encore qui il est vraiment. Peut-être en apprendrons-nous davantage ces jours-ci. Peut-être prendra-t-il la parole au temple pour nous parler de Dieu et de ses merveilles. Regarde, autour de lui, il y a ses disciples. Ouais, il y a même Zachée, l'ancien collecteur d'impôts qui vient de démissionner. Et cet aveugle que j'ai connu autrefois lorsque j'habitais encore Jéricho. Mais ma parole, il n'est plus aveugle. Il voit comme toi et moi. Mais je te le dis, plus rien n'est comme avant. C'est le monde à l'envers. Enfin, les choses vont changer. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Hosanna au plus haut des cieux! Il y a dans son regard quelque chose d'étrange. Il semble heureux, mais son bonheur est triste. Il semble décidé, mais sa volonté ne cache pas sa peur. À quoi pense-t-il à cet instant? Le voilà! Il va passer juste à côté de nous. Donne-moi ton manteau. Je vais le poser sur le sol avec le mien. Faisons comme les autres. Recouvrons la route d'un tapis sur son passage, car c'est un roi. Tu ne crois pas que tu exagères un peu? Voilà bien un drôle de roi, avec pour armée des mendiants en guenilles et pour épée la parole de Dieu. En tout cas, ton roi, ce n'est pas lui qui va chasser les Romains de chez nous et nous rendre notre liberté. Mais de quelle liberté parles-tu? Hosanna! Béni soit celui qui vient! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna!